Le caddie à roulette de mamie. Le chariot à roulette de mémère. Oui, c'est une variante du titre. Vous connaissez certainement l'effet papillon, l'effet de serre, l'effet bœuf, l'effet Barnum, l'effet Doppler, l'effet Pygmalion. Mais connaissez-vous? Attention, il faut prendre sa respiration et prononcer d'une seule traite l'effet chariot à roulette à mémère. Bon, pour simplifier entre nous, on dira désormais l'effet Karam. Vous ne connaissez pas? Je vous rassure, c'est normal, car je viens de le découvrir. Imaginez la situation. Vous êtes au supermarché. Et c'est juste le moment de passer en caisse. À partir d'ici, c'est la loi de la jungle. Plus de solidarité du compte, c'est du chacun pour soi. Il faut sortir de ce temple de la consommation le plus rapidement possible. Cela veut dire trouver la caisse la moins chargée. Bref, vous arrivez devant la ligne de 158 caisses. Un regard à droite, des files monstrueuses qui rentrent jusque dans les rayons de boîtes de conserve. Regard à gauche, des files infinies qui rentrent jusqu'aux rayons couches pour bébé. En face de vous, deux lignes de caisses. À tribord, un caddie XXL rempli façon « Je vomis mon contenu tellement je suis chargé ». À bâbord, une mamie courbée qui s'appuie sur la poignée de son panier à roulettes et vous regarde avec des yeux qui disent « Viens ! Viens ! Viens, mon petit, derrière moi, je n'ai pas grand-chose. Ça ira vite, tu verras. » Avec son regard lubrique, façon Kaha dans le livre de la jungle. Là, votre cerveau fonctionne à la perfection et l'analyse cognitive aboutit à la conclusion physiquement incontournable, le volume du caddie XXL est au moins 5 fois supérieur au panier à roulettes de la mamie. Donc, la vitesse de passage en caisse sera très supérieure derrière le chariot à roulettes de mamie que derrière le caddie XXL. Logique rationnelle, option bâbord. Vous choisissez la file à mamie. Mamie déballe ses petits achats. 2 boîtes de thon, 1 paquet de nouilles Barilla, 3 boîtes de haricots verts, 1 sachet de 5 kg de pommes de terre, 1 kg de carottes, 2 bouteilles de Lambrusco. Ben oui, c'est une mamie italienne. Un fer à repasser Philips, un appareil à raclette de Philips aussi, une douzaine d'œufs, un saucisson Justin Bridoux, un pot de guacamole. Ben oui, son petit-fils lui a demandé d'acheter des choses sympas pour son anniversaire. 1 kg de moules, un sachet de frites surgelées de 2 kg, 3 boîtes de filets de colin surgelés aussi, un sachet de radatouille surgelé, un sachet de haricots verts surgelé, un sachet de petits pois surgelé, un sachet de choux de fleurs surgelé, un sachet de carottes coupées en rondelles surgelées, une boîte de steak haché charal surgelé, une boîte de thon à l'armoricaine surgelé, une boîte de glace à la fraise, un sachet de crevettes surgelé. Dis donc, elle a passé beaucoup de temps au rayon surgelé. J'espère qu'elle a un bon congélateur. Un pack de 36 canettes de Coca-Cola. Ben oui, c'est pour son petit-fils, CF plus haut. 6 bouteilles de jus d'orange et 1 bouteille de jus de goyave. Dis donc, il est sérieux son petit-fils. 1 bouteille de whisky, 1 bouteille de vodka, 3 packs de 36 bouteilles de Kronenbourg. Ah oui, je me disais aussi. Elle me regarde avec son œil lubrique qui dit Mon jeune ami, tu vois, c'est bientôt terminé. Elle sort de son panier à roulettes un écran plat 158 cm, un décodeur TNT, une box SFR, un compact numérique Nikon J1. Ben oui, c'est une retraitée d'avant les réformes de la droite ultralibérale UMP de Raffarin 2004 et Fillon 2010. Elle continue à sortir ses achats de son panier à roulettes alors que le tapis roulant tourne et que la caissière a déjà commencé à biper les articles. Elle sort maintenant un mixeur Moulinex multifonction, une cafetière expresso, 3 livres de cuisine de Raymond Oliver, un DVD du Grand Bleu, un pack de 6 bouteilles de lait demi-écrémé, un pack de 6 bouteilles de Contrex, 2 packs frigo de Coca-Cola. Ben oui, c'est quand même plus pratique. Une paire de charentaises, 2 gaines façon La Redoute, 3 packs de 12 boîtes de Leff. Ben oui, mamie aime bien la bière belge. Elle continue à sortir les produits de son chariot en me jetant un regard et un sourire. Une batterie de voiture, 2 rouleaux de sachets poubelle, un balai de parquet, un baril de lessive Bonux, 2 paquets de produits WC, un pot de cornichons, un bidon de sauce barbecue, 2 bouteilles de vin blanc de Touraine, un pot de nouilles asiatiques, un camembert président, une boîte de fromage apéritif. À tribord, le caddie XXL est passé en caisse et s'en va tranquillement rejoindre le parking. Mamie poursuit et sort les produits de son chariot à roulettes. Un sachet de couche Pampers, un biberon en plastique dans sa boîte en carton. Ben oui, c'est pour la femme de son petit-fils. Elle sort de son chariot un grille-pain Krups, 2 boîtes de slip d'Axon, 3 boîtes de cornflakes, 2 packs de 12 rouleaux de papier WC, un sachet de sauce chinoise, un paquet de penne Barilla. Le deuxième caddie XXL a terminé son passage en caisse à côté. Et je le regarde en me disant que je ferais mieux de changer de caisse. Mais mamie me regarde avec son regard lubrique qui me fait comprendre que je ne peux pas. La mamie sort de son chariot à roulettes une boîte de 12 verres de 50 centilitres de bière. Eh ben oui, c'est pour les lèvres de ci-dessus. Une boîte de 25 crevettes pré-cuites, c'est une promotion. 6 casseroles en fonte de gondrange, 3 pelles à neige, une brouette en fonte et 4 sacs de sel à neige. Ouais, c'est l'été, mais mamie est prévoyante. Je regarde à tribord le deuxième caddie XXL, rempli à donf, vient de passer la caissière. En face de moi, mamie continue de sortir des produits de son caddie à roulettes qu'elle pose délicatement sur le tapis roulant. 3 paquets de pancetta en promotion, 2 sachets de jambon blanc décoéné de 4 tranches chacun, 2 boîtes de quiche Lorraine, un sachet de boudin noir, un paquet de 4 saucisses de Montbéliard, un sachet de cuisses de poulet façon mexicaine, une boîte de gésier confit du Languedoc, une boîte de 8 tranches de l'air d'Ameur. Visiblement, elle passait au rayon frais, ma mamie. Un sachet de 24 crayons de couleur, le numéro 1547 de Picsou Magazine, le dictionnaire Petit Robert, un shaker à vinaigrette, 2 bouteilles d'huile Isio 4, 2 bouteilles de vinaigre de vin rouge. La caissière bip les articles qui commencent à déborder l'espace de réception après le poste de comptage. Mamie sort de son chariot à roulettes une table de jardin les quatre chaises qui vont avec la table de jardin, un pot de fleurs de balcon de 54 cm de diamètre en terre, un sac de 15 kg de terreau, une tondeuse autoportée, un bac de réception d'herbes coupées à mettre derrière la tondeuse, un kit barbecue en pierre de 550 kg. Le magasin se vide, les lumières s'éteignent et la voix off annonce qu'il faut se précipiter aux caisses car les portes vont fermer. Mamie semble plongée au fond de son chariot à roulettes. Elle a la tête dedans et les deux pieds en l'air. Elle ressort avec deux bouteilles de plongée, puis sort une ancre, un harpon, un masque, un tuba. Oui, mamie est sportive, elle aime la plongée sous-marine. Elle sort une caisse à outils Facom, puis me regarde. Dites, jeune homme, vous ne voudriez pas m'aider à sortir le dernier ? Le dernier ? C'est enfin terminé ? Je m'approche, avance la tête au-dessus de son chariot à roulettes. Regarde au fond. Ah mon Dieu, mais il n'y a pas de fond. Que vois-je tout là-bas? Mais on dirait, oui, c'est une moissonneuse batteuse massée face jaune de 44 tonnes. Mamie me regarde avec son sourire et ses yeux lubriques et me dit: ben oui, c'est un cadeau pour mon petit-fils. Il est en BTS agriculteur. Vous avez compris. Et maintenant, quand vous verrez une mémère avec son chariot à roulettes, n'oubliez jamais ce phénomène de distorsion de la matière qui fait que mamie peut mettre dans son chariot bien plus que le volume physique du chariot ne semble vouloir le dire. C'est l'effet Karam.